Et on est au cœur du village d'Ébreuil, on est en bord de Sioule. Le camping s'appelle le camping d'Aignières et c'est là où Fred et Véro ont décidé de prendre leurs vacances. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Alors Frédéric, je pense que vous connaissez ce camping beaucoup mieux que moi puisque c'est votre sixième ou septième année consécutive, c'est ça? Oui, ça fait quelques fois consécutive, pas forcément, mais oui, ça fait peut-être 10 ans qu'on connaît ce camping. Qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel ce camping? Déjà, il est très bien placé, il est le long de la Sioule, voilà, il est bien équipé, il a bien progressé parce qu'avant c'était un camping municipal, maintenant c'est repris par Johan et il a fait ce qu'il fallait pour que ça devienne encore plus charmant, on va dire. Ouais, effectivement, camping. Piscine, canoë, location de canoë, deux animations, un restaurant, une guinguette en fait. Ouais, c'est plutôt très sympa. 4 étoiles, une ambiance calme et familiale à l'ombrage, fortement appréciée lors des chaudes soirées d'été. Alors c'est vrai qu'il a installé une base de kayak que l'on peut louer parce que sur la Sioule c'est juste magique. Vous avez descendu la Sioule en kayak? Oui, pas cette année encore, il n'y a pas très longtemps qu'on est arrivé, mais l'année dernière on l'a fait. Et alors, sensation, c'est sympa? Très sympa, les gorges sont plutôt jolies, ouais. C'est un cadre assez sympathique. Ouais, un endroit pour se détendre, pour pagayer et pour se baigner. On pique une tête de temps en temps, Frédéric, dans l'eau? Oui, tout à fait. Ouais. On peut chavirer aussi, même des fois. Ouais, d'accord, donc vous êtes taquin. Vous êtes uniquement avec votre épouse ou il y a des enfants qui vous accompagnent également? Non, je suis juste avec mon épouse. Bon, parfait. 50 emplacements de camping spacieux et bien délimité, situé le long de la rivière. Vous, l'option, c'est mobilhome, caravane, tente? Là, nous, c'est camping-car. Camping-car, voilà, il n'y a plus qu'à le poser. Et donc, quand on a un camping-car, on le pose et après, on a les vélos pour se balader? Vélo et scooter. Vélo et scooter. Je ne vous demande pas qui pédale et qui prend le scooter. Je ne voudrais pas mettre la zizanie ce soir lors de votre repas familial. On a deux vélos et un scooter. Voilà. Comme ça, on fait ce qu'on veut. Vous faites uniquement ce que vous voulez. Si on va aller marcher tous les deux, c'est bien aussi pour se déplacer. Bon, parfait. Votre coup de cœur dans la région, qu'est-ce qui vous séduit le plus? Le calme, les gorges. J'aime bien tout ce qui est gorges. Donc, plutôt sympa. Les gens sont très sympathiques. Voilà, qu'est-ce qu'on mange de bon du côté du restaurant du camping, justement? Vous avez dû l'essayer, vous? On a les moules frites qu'on a fait hier soir, ça nous est arrivé, enfin les andouillettes aussi, qui sont quand même pas trop mal. Ça nous est arrivé aussi l'année dernière de faire une petite soirée huître. Sympathique. Ouais, c'est vrai que parler. On va refaire cette année. Ouais, parler moules et huîtres en bord de Sioule, moi j'entendais pas du tout ça, mais comme quoi finalement on peut se régaler. Oui, mais c'est des origines, ça. Ouais, non, mais tout à fait, voilà. C'est vrai que d'habitude, les Bourbonnais vont en Vendée et les Vendéens vous en aident, vous venez en Auvergne, et voilà, ce sont les vases communicants, tout simplement. Aussi. Vous êtes aussi, des sables d'Olonne. Il se bouge bien aussi. Bon. Il y a un petit concert bien sympathique le 19 août aussi, d'accord, au Campigny. Bah parfait, ouvert à tout le monde. Ouais. Bon, ouais, très bien. Ouais, oui. Très, très sympa avec un Lurka du groupe Gold qui présente génial. Mes années Gold. Voilà. Hein, et puis en première partie, il y a Laurent Gouterapel et Christophe Duplan aussi, bon. Le 19 août. Et bah, c'est noté. Voilà. C'est noté sur nos agendas. Belle fin de vacances en Auvergne, Frédéric. Bon retour. N'oubliez pas de nous laisser votre adresse parce que moi, les Sables d'Olonne, j'aime beaucoup. Donc voilà, je taperai à votre porte la prochaine fois. Avec plaisir. Okay, merci. Merci Fred et bis à Véro. Allez, on fait comme si on se connaissait depuis longtemps. Ciao, ciao. Ça marche. Ok, merci. Ciao, ciao. Merci. Marina qui est sur France Bleu. On vous adore, vous, les vacanciers. À demain. I held a magnifying glass up to our love. Burned a hole right through it. And in the light of day I see the end of us. Guess I always knew it. But if the sun don't shine, I can trick my heart. You can still be mine if we stay in the dark. So shut the door. Your body's warm, and it's so cold outside. Take off your clothes. we could stay inside these walls wrapped in our lies, clinging to each other. But eventually the truth will come for us, like a knife-edged feather. If we could see the signs, we would break apart. But we still have time if we stay in the dark. So shut the door. Up to our love, burned a hole right through it. Marina qui est sur France Bleu Pays d'Auvergne. Et tout l'été, ils passent leurs vacances en Auvergne. Les petits bougnats, vous les connaissez, vous les suivez depuis le début de l'été. Ils font le plein d'idées pour nous amuser en famille et nous faire découvrir notre belle région. Margot de Rocco était au parc animalier d'Arthes-sur-Couze. Eh bien, je crois que les petits bougnats, les élèves de Charmey, la classe de CM2, ont eu la même idée. Ils ont décidé de m'emmener. Eh oui, mais qu'est-ce que je n'aurais pas fait pour eux? De m'emmener au parc animalier. Eh, vous avez entendu le petit bougnat? Qu'est-ce que c'est? Un lion! Un lion! Et ça, c'est un éléphant! Un éléphant? Oui, oui, oui! Aujourd'hui, on part en safari! Allez, dépêche-toi! On va nourrir les hippopotames! Les petits bougnats en vacances! C'est quoi un parc animalier? Bah, c'est un parc où il y a des animaux qui sont en captivité, il y a des soigneurs, des vétérinaires et plein de gens qui s'occupent d'eux. Quelle différence pour un animal de vivre dans un parc plutôt que dans la nature? Dans la nature, ils apprennent à se nourrir eux-mêmes, ils savent comment il faut échapper aux prédateurs et tout. Dans un parc, il y a toujours des soigneurs et tout qui font attention à ce qu'il ne se fasse pas mal et tout. Un animal qui naît en captivité, on ne peut pas le relâcher parce qu'il ne saura pas comment se nourrir, comment s'abriter, parce qu'on lui a toujours fait les choses. Pour ça qu'ils sont heureux, les animaux, dans les parcs? Bah oui, je pense, parce qu'encore un animal qui était dans la nature et qui a été capturé au début, non. Après, il s'habitue et il est heureux. Ils se sentent bien là-bas parce que des fois, ils ont des jeux. Et puis avant, dans la nature, quand ils étaient là-bas, bah, ils n'avaient pas tout ce qu'ils ont maintenant. Donc, ils sont un peu plus heureux. Bah, je pense que oui, parce qu'ils sont un peu chouchoutés, on va dire. Ils leur donnent à manger le matin, midi, soir. Ils ont un abri. Si jamais ça pleut, ils ont un abri. Donc, vraiment, j'aimerais bien me faire chouchouter comme ça aussi, hein. Moi, je trouve que c'est mieux de les laisser dans la nature, parce que dans un parc, ils peuvent pas trop faire ce qu'ils veulent, quoi. Ah, c'est vrai, les petits bougnats, c'est plus sympa de faire ce qu'on a envie. Mais en Auvergne, nous avons deux parcs qui chouchoutent les animaux venus d'ailleurs. Le PAL à Dompierre-sur-Bèbre dans l'Allier, qui fête ses 50 ans cette année. Le PAL est un parc avec 30 attractions, mais aussi 1000 animaux du monde entier. Vous pouvez même y passer la nuit, dans des lodges sur pilotis, vues sur la savane. Un peu d'Afrique en Auvergne, quoi. Si vous êtes dans le Puy-de-Dôme, direction le parc animalier d'Auvergne à Arthes-sur-Couze, le parc est engagé dans la préservation d'espèces menacées. 350 animaux sont à découvrir dans de grands espaces. Et tout l'été, le parc vous permet de passer la nuit la tête dans les étoiles, près des girafes, des tigres, des ours du Tibet ou encore des panthères de l'amour. L'occasion de vivre une expérience inoubliable et de faire à coup sûr de jolis rêves. Les petits bougnats, grrr. Les petits bougnats, est-ce que ça vous tente de dormir au milieu des animaux? animaux. Ouais. Patricia, j'ai adoré votre... Vous aussi, vous êtes qualifiée, casting réussi pour faire partie des enregistrements des prochains Petits Bougnats. Vite, ça s'appelle Les choses qu'on fait et le journal de 18h présenté par Juliette Micheneau dans 5 minutes. Sur France Bleu, Pays d'Auvergne, Vita, le journal Juliette Micheneau dans moins de 2 minutes. France Bleu. Dans le monde, des enfants meurent de faim. Hélène a été sauvée grâce aux équipes d'Action contre la faim dans une région où sa maman n'a pas accès à l'eau potable et où il n'y a rien à manger. Pour les aider, mon papy a décidé de leur donner une partie de son héritage. Je suis fière de mon papy. Est-ce que vous le saviez? Action contre la faim peut devenir votre héritier. Pour un monde sans faim, pensez à la transmission en faveur de notre association. Vos volontés seront respectées. Demandez la brochure sur les legs et assurances vie sur actioncontrelafaim.org. Venez découvrir les volcans comme vous ne les avez jamais vus. Le Kilimandjaro, le Rosso Chili, les volcans d'Indonésie, les entrailles des volcans d'Auvergne. Vivez l'expérience Volcan Scène, le premier festival de projection grandeur nature sur les volcans. Inédit, au cœur d'un volcan, deux soirées de projection de films mêlant défis sportifs, solidarité, découvertes et aventures. Les vendredis 25 et samedi 26 août à 19h à Volvic, site du Goulet. Plus d'infos sur volcanscène.com, Facebook et Instagram. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Pays d'Auvergne. Vous écoutez France Bleu Pays d'Auvergne, merci de nous avoir choisis. Il est 18h chez vous comme chez nous. Le journal de 18h présenté dans un instant par Juliette Michonneau. Et on va commencer par ce bien triste titre. C'est 11 personnes qui sont bien mortes ce matin dans l'incendie de leur gîte en Alsace. Un décès confirmé par la vice-procureure de Colmar qui parle d'un feu qui a couvé dans ce gîte loué par une association à Winsenheim et où séjournaient des personnes en situation de handicap. 11 victimes donc, et Patrick Genton, les recherches ont été longues et compliquées pour les retrouver. Toutes se trouvaient dans une mezzanine où, à l'étage du gîte, 17 personnes ont pu s'échapper dès l'alerte donnée, pour la plupart des gens hébergés au rez-de-chaussée. Ce grand gîte, établissement privé, est une ancienne grange à foin qui a été entièrement réhabilitée il y a quelques années. Une vieille bâtisse alsacienne faite de nombreux colombages et de murs en torchis. Le toit s'est rapidement effondré vers 6h30. Les secours, arrivés 14 minutes après le déclenchement de l'alerte, n'ont rien pu faire pour les victimes. Selon le témoignage du corps coordinateur des pompiers, tant l'incendie était alors déjà puissant et dévastateur. La même source indique que le feu aurait pu couver une bonne partie de la nuit avant de prendre toute sa vigueur. Les corps des malheureuses victimes, de jeunes adultes atteints de handicap et un de leurs accompagnateurs, seront autopsiés à Strasbourg. L'enquête est confiée à la section de recherche de la gendarmerie. Parmi les premières interrogations, le nombre total de personnes qui séjournaient dans ces lieux. L'établissement était a priori prévu pour une quinzaine de couchages et les deux groupes qui l'occupaient étaient manifestement beaucoup plus nombreux. Et la Première Ministre s'est rendue sur place aujourd'hui. Vous trouverez les images et le compte-rendu sur francebleu.fr. Bon, du changement pour vous qui roulez en voiture sur Clermont. Et notamment si vous avez l'habitude d'arriver en ville par l'avenue Édouard Michelin. Demain, vous ne roulerez plus que sur une seule voie puisqu'elle va passer à double sens. Avant les travaux, sont en moyenne 18 000 véhicules qui passaient là chaque jour. Ouais. Un trafic qu'il va donc falloir absorber en une seule voie et à 30 km/h s'il vous plaît. Voilà qui va changer les habitudes de Sacco qui roule au volant d'une camionnette de la ville au service propreté. C'est vrai que pour l'instant, à froid, on a l'impression que ça va engendrer beaucoup de problèmes, parce que le fait qu'il y ait une double circulation, ça ne nous permet pas de stationner dans des engins de chantier. Quand on avait les pistes cyclables, on pouvait tricher un petit peu. Mais là, c'est vrai que dès qu'on va poser des cônes pour faire une déviation, j'ai l'impression que ça va engendrer des problèmes. Mais voilà, c'est parce qu'on n'a pas le tracé global. Peut-être que au final, il y aura sûrement des désengorgements et que ça sera accessible. Mais c'est vrai que là, ça saute pas aux yeux, quoi. Alors, et attendez de voir ensuite les boulevards sud à double sens, eux aussi. Pour l'instant, on en est au stade des travaux de nuit à cet endroit, travaux qui vont se terminer ce week-end. La Haute-Loire placée en vigilance sécheresse. Alors, pas de restriction d'usage de l'eau à ce stade, mais la préfecture appelle chacun à faire des efforts, sachant que le département accuse un déficit de pluie de 15% en moyenne par rapport à la normale et jusqu'à 30% dans des secteurs comme le Vivarais. D'après la préfecture de Haute-Loire, cette année est la huitième la moins arrosée depuis 1959 dans le Velay. Aux mondiaux de cyclisme, une nouvelle fois, le relais mixte termine en argent derrière la Suisse. Même scénario qu'hier en contre-la-montre avec le Clermontois Rémi Cavagna. Aujourd'hui, c'est l'équipe de VTT emmenée par l'Auvergnat Jordan Sarrou qui est restée sur la deuxième marche du podium mondial. Le champion de France de cyclisme, lui, Valentin Madouas, sera dans une heure au départ du critérium de Marcolès dans le Cantal. C'est la 25e édition. Et parmi les stars du peloton, vous y verrez aussi l'équipier du dernier vainqueur du Tour de France, équipier de Jonas Vingegaard, hein, Christophe Laporte. Et Carnero tient deux naissances au Pal dans l'Allier. Ouais, des bébés otaries de Patagonie qui sont donc nés au parc. Rio et Samba, nés les 9 et 19 juillet dernier. Et c'est une première depuis 17 ans au parc. Des bébés, sachez-le, qu'on appelle des chiots pour les otaries, les chiots de l'otarie. Ouais. Petits bébés qui ne savent pas nager à la naissance, c'est propre à leur espèce. Les petites otaries sont donc restées deux semaines au sec avant de prendre leur premier bain. Et vous verrez ça en images et en vidéo sur le site internet de France Bleu Pays de Vin. C'est trop chouchou. C'est trop chaud. J'étais sûr que vous seriez sensible à cette naissance, à ces naissances. Oh bah oui, mais ça fait les chiots. C'est toujours trop mignon. Mais oui, mais j'ai appris ça moi aujourd'hui. Mais moi également. Les chiots de l'Otarie. Je me coucherai moins bête ce soir. Écoutez, on est là pour vous apprendre des petites choses comme ça pour briller dans les repas de famille ou à l'apéro ce soir. C'est aussi ça la DL France Bleu Pays de Vert. Bien sûr. Côté météo, de la chaleur aujourd'hui, de la chaleur demain et encore plein de beau temps. La météo 100% locale avec le parc Mirabel, parc de loisirs pour toute la famille à Rion, à 10 minutes de Clermont. Retrouvez-nous sur parcmirabel.com. Pardon mademoiselle, je vous ai interrompu. Je vous ai coupé la parole. Entre 26 et 30 degrés dans les plaines auvergnates aujourd'hui. La température était très agréable. Demain de même. La soirée sera calme. Le ciel étoilé dégagé. Demain matin, 10 degrés en altitude, 13 à 15 degrés au réveil. Vous qui demeurez dans les plaines auvergnates. Demain jeudi, alors beaucoup de nuages demain matin. Le soleil s'imposera en fin d'après-midi. Côté température, ça va être très agréable. On va même gagner quelques degrés. Entre 33 et 34 en pleine, 28 à 30 degrés du côté des reliefs. Soleil présent vendredi, temps sec avec de nombreuses éclaircies. Samedi, c'est une belle fin de semaine en Auvergne. Vos conditions de circulation en temps réel, plutôt calme. Fin de la perturbation sur l'autoroute A75, celle dont on vous parlait en tout début d'émission. Tous mes voyants sont au vert. Alors, s'il se passe quoi que ce soit sur votre itinéraire, n'oubliez pas d'apporter les infos 04 73 34 3000. L'infotrafic 100% local avec le château de Murol. Bienvenue à la cour du seigneur Guillaume. Spectacles équestres, école des petits chevaliers et d'autres surprises. Informations et billetterie sur www.murolchateau.com. Les offices de tourisme sur France Bleu Pays d'Auvergne. Tout au long de cet été, on pousse la porte des différents auvergnes, des différents offices du tourisme de la région. On remplit nos agendas, on sélectionne de belles sorties dans notre région. Aujourd'hui, on va retrouver les coups de cœur de l'office de tourisme Auvergne-Volcan-Sancy. La visite guidée de l'église de Saint-Pardou, une initiation à la pêche au lac du Guéry. Et on va se glisser dans la peau d'un chercheur d'or avec une initiation à l'orpaillage. Chouette programme, une sortie, deux sorties, trois sorties même à découvrir avec Christophe Noiseau et ses invités. C'est sur France Bleu Pays d'Auvergne jusqu'à 18h30. Côté musique, le temps que je remette ma langue en place pour mieux causer tout de suite dans le poste après The Weeknd In Your Eyes. Mais juste avant, il y aura celui qui n'est pas fait pour le bonheur, c'est Pascal Obispo. Allez, belle fin d'après-midi avec nous. Ne quittez pas, je vais me reprendre. Petite piqûre et on va remettre la cabane sur le chien. Allez, belle fin d'après-midi. J'étais pas fait pour le bonheur et puis voilà. Voilà soudain que le bonheur est fait pour moi. Qu'il prend la forme de mes mains quand je caresse. Que je n'ai plus peur pour un rien qu'il disparaisse. J'étais pas fait pour le bonheur et puis voilà. Voilà soudain que le bonheur est fait pour moi. Lorsque j'embrasse que sa petite musique lumière me cloue sur place. Si c'est pas malheureux de n'avoir su avant être heureux simplement. Si c'est pas malheureux d'avoir su aussi peu simplement être heureux. Si c'est pas malheureux d'avoir su aussi peu simplement être heureux. Quand vient la nuit, lui l'éternel chat de gouttière d'or dans mon lit. J'étais pas fait pour le bonheur et puis voilà. Voilà soudain que le monteur parle de moi. Que je me reconnais dans ses belles paroles. Moi qui n'avais que des idées au vitriol. Si c'est pas malheureux de n'avoir su avant être heureux simplement. Si c'est pas malheureux d'avoir su aussi peu simplement être heureux. Si c'est pas malheureux de n'avoir su avant être heureux simplement. Si c'est pas malheureux d'avoir su aussi peu simplement être heureux. Simplement être deux. Simplement être deux. Simplement être deux. Simplement être deux. when I look at you in your eyes. When I look at you in your eyes. Superbe morceau, titre qui donne envie de danser, et c'était The Weeknd sur France Bleu, Pays d'Auvergne. Allez, les offices de tourisme nous ouvrent leurs portes. On était avec l'office tourisme Auvergne-Volcans-Sancy. On découvre Christophe Noiseux et son premier invité. Les offices de tourisme sur France Bleu, Pays d'Auvergne. Et nous prenons la direction du vaste territoire du Sancy. Nous allons faire une halte du côté de la Tour d'Auvergne pour retrouver là-bas François Bru. Bonjour François. Bonjour. Vous faites partie, François, de l'association Les Amis de Saint-Pardoux. Et avec vous, on va s'intéresser à l'église de Saint-Pardoux située sur la Tour d'Auvergne. Alors, si mes informations sont bonnes, on appelle cette église la petite cathédrale des Champs. C'est bien ça. C'est l'église Sainte-Anne, mais plus communément appelée la petite cathédrale des Champs. Je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi. Oui, ben justement, c'est la question que je m'apprêtais à vous poser. Pourquoi l'appelle-t-on ainsi ? Parce qu'en fait, elle a été construite au fil du temps. En fait, c'est, quand on regarde l'église, c'est 1000 ans d'histoire. Et 1000 ans qui commencent vers l'an 1000, lorsque les barons de la Tour d'Auvergne se sont installés à la Tour d'Auvergne, justement, en fuyant les invasions qui étaient... c'était le comte de Poitiers qui, à l'époque, voulait envahir le comté d'Auvergne. Donc, le fils du comte d'Auvergne s'est installé à la Tour et il a construit une première forteresse. Et comme c'était une famille très pieuse, très rapidement, ils se sont occupés de faire construire une église. Alors à l'époque, Saint-Pardoux était plus important que la Tour, bien entendu. Et en même temps, les moines de Guéret, qui fuyaient les invasions vikings, se sont installés, eux, à Saint-Pardoux. Ils ont fait un premier lieu de culte. Et derrière, les barons, toute la lignée de barons, il y en a un certain nombre d'ailleurs qui ont fini soit dans les croisades, soit dans les monastères de Soxhilange et de Cluny, eh bien, ils se sont occupés de cette église. La première église, c'était une nef romane, assez massive, certainement. Il en reste aujourd'hui les piliers carré. Et puis derrière, chaque siècle a apporté son lot de nouveautés en fonction du style de l'époque et toujours grâce à la générosité des barons. Et au XIIIe siècle, on élève un édifice gothique. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Au-dessus, si vous voulez, on ajoute une voûte gothique avec des chapiteaux décorés, et puis très bien décorés d'ailleurs. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, ça vaut le détour pour ça aussi. Hein, parce que elle a peut-être un aspect un peu austère vu de l'extérieur, mais dès qu'on entre à l'intérieur, c'est beaucoup plus chaleureux. Absolument. Alors l'association Les Amis de Saint-Pardoux a pour mission à la fois d'accompagner le visiteur, de faire découvrir l'édifice, mais aussi de temps en temps de faire des petits travaux de restauration. Comment ça se passe exactement pour l'association ? Alors, si vous voulez, déjà, l'association est née en 1985 de la volonté de quelques amoureux de cet édifice qui était alors en voie d'effondrement complet. Et dans cette dynamique, il y a d'importants travaux qui ont été réalisés pour assurer la sauvegarde du bâti, et notamment le relèvement des murs, le renforcement des voûtes par la mise en place de poutres métalliques. Bien entendu, c'est un édifice qui appartient à la commune, donc c'est la commune qui était maître d'œuvre, mais l'association y a largement participé. Et dans la foulée, quand l'église a été réouverte, il y a eu des concerts, des expositions pour faire vivre cet édifice. Et est-ce qu'il existe des visites guidées de l'église Sainte-Anne, de Saint-Pardoux ? C'est ça. Maintenant, on reprend des visites commentées pendant cet été. Il y en a déjà eu deux au mois de juillet. Il y en a deux qui sont prévues dans les jours qui viennent, les vendredis 11 et 25 août à 17h. Vendredi 11 et vendredi 25 août, rendez-vous. Et ensuite, il y en aura également pour les journées du patrimoine. Merci beaucoup, François Brut, de nous avoir éclairé sur l'histoire de cette église qui vaut le détour. Et toutes les informations sont aussi sur auvergnevolcansensi.com. Merci beaucoup François, à bientôt. Et bel été. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci à vous messieurs. Dans un instant, Christophe Noiseux revient. Il va nous parler d'une initiation à la pêche, mais pas dans n'importe quel lac. On ira du côté du lac du Guéry. On est avec l'office du tourisme Auvergne-Volcans-Sensi. Simple Mind sur France Bleu. You turn me on. What you gonna do when the flames go up? Who's gonna come and turn the tides? Kicking, c'était les Simple Minds sur France Bleu. Tous avec le Clermont Foot 63 sur France Bleu Pays d'Auvergne. Le championnat de Ligue 1 reprend ce week-end et le Clermont Foot 63 accueillera Monaco ce dimanche à 15h. Une belle affiche estivale pour donner le coup d'envoi de la troisième saison des Clermontois au plus haut niveau du foot français. Clermont Foot 63, AS Monaco, première journée de Ligue 1. C'est à vivre ce dimanche dès 14h45 avec Evan Le Bastard et Thierry Coutard sur France Bleu Pays d'Auvergne, francebleu.fr et l'application ici. Gagnez vos places pour ce match en écoutant France Bleu Pays d'Auvergne. France Bleu Pays d'Auvergne. Supporter du Clermont Foot 63. France Bleu Pays d'Auvergne. Jusqu'à 19h, ici, les vacances sont ici. Quand on est en vacances, son temps est précieux. On a envie d'en profiter un maximum pour faire un maximum de choses. C'est la raison pour laquelle c'est nous qui poussons les portes des offices du tourisme. Et c'est ce que fait chaque matin entre 9h et 9h30 Christophe Noiseau. On découvre une autre bonne piste. France Bleu Pays d'Auvergne s'occupe de votre été. Et aujourd'hui, nous nous laissons entraîner par l'Office de Tourisme Auvergne-Volcans-Sancy. Après avoir découvert les Amis de Saint-Pardoux et la visite de l'église Sainte-Anne de Saint-Pardoux en compagnie de François Bru, nous allons faire un halte du côté du lac de Guéry en compagnie de Lucas Montel. Bonjour Lucas. Oui, bonjour, merci de me recevoir. Mais je vous en prie, vous êtes le bienvenu. On va parler avec vous d'initiation de pêche au lac de Guéry. Comment ça se passe exactement ? Et là, c'est des découvertes à la pêche. Donc vraiment, le thème, c'est l'initiation, la découverte de l'eau, la découverte de la pratique de la pêche en montagne, puisque les petits, donc les enfants et les grands, les adultes, vont pouvoir apprendre à pêcher sur le plus haut lac d'Auvergne, le lac de Guéry. Superbe écrin de nature, hein, dans un écrin de verdure, un lieu absolument incontournable à découvrir cet été, ce lac de Guéry. Et on apprend par la même occasion, j'imagine, à travers cette initiation, les bons gestes des pêcheurs responsables. Exactement, là, on va apprendre la pêche au cou. Donc comment pouvoir appâter le poisson, comment ensuite pouvoir donc forcément le sortir de l'eau, puis forcément ensuite le relâcher, le remettre à l'eau. Vous pratiquez le no-kill, comme on dit. Exactement, la pêche no-kill. Et qu'est-ce qu'on pêche au lac de Guéry ? Là, sur ces initiations, pardon, on va retrouver plutôt des petits poissons hein, pour le coup. On va avoir des gardons, on va avoir des petites perches. Avec un petit peu de chance, des truites, et notamment les truites arc-en-ciel hein, qu'on retrouve principalement en montagne. Oui, pas de truites fario dans le lac de Guéry, pas d'omble chevalier non plus ? L'omble chevalier, si, il est présent. Si. Ouais. Alors, sur ces initiations, j'ai un petit doute quand même, mais avec un petit peu de chance. Hein, on ne sait jamais. On sait jamais. Mais quoi qu'il arrive, on relâche le poisson, on lui redonne sa liberté. Disons qu'on lui aura fait subir une petite acupuncture au niveau des lèvres, quoi. Voilà, il ne faut pas compter le manger le midi. Voilà, absolument. Ces animations ont lieu à quelle période de la journée ? Alors, c'est plutôt le matin, tant qu'il fait encore assez frais, puisqu'on est sur des journées où la météo est clémente, il fait même chaud. De 10h à midi. De 10h à midi, la prochaine animation, c'est quand ? C'est demain, jeudi. D'accord, c'est tous les jeudis ? Tous les jeudis à 10h. Tous les jeudis à 10h. Il faut s'inscrire, j'imagine, pour ces initiations ? Bien sûr, il faut s'inscrire auprès de nous, donc à l'Office de Tourisme directement auprès de nos conseillers en séjour, ou bien sur notre site internet auvergnevolcansancy.com. Auvergnevolcansancy.com. Lucas, vous ne raccrochez pas parce qu'on va parler après l'initiation à la pêche au lac de Guéry, on va parler d'orpaillage avec vous dans quelques instants. À tout de suite. À tout de suite, messieurs. Il est lent, monseigneur. Ouais, ça ne va pas tarder. Vous serez peut-être orpailleur. Ça sera juste après Zahoui, toute la France maintenant. Dans un rêve, c'est tout déjà. Toute la France est folle de moi. Dans un rêve, c'est tout déjà. Toute la. Pardonne-moi, j'ai pu être vulgaire, un peu terre à terre. Si sûr de moi, tu aimais ça. J'ai joué le gangster pour te plaire. Si loin de toi, je m'ennuie déjà. Je ferai tout pour qu'on se serre. Regarde-moi, les yeux dans les yeux. Suis-je assez classe pour un coup de cœur? Je suis si bien si la foule danse. Le son des basses pour seule romance. Besoin de flash, besoin de waouh, besoin de strass et de lumière. Dans un rêve, c'est tout déjà. Toute la France est folle de moi. Je lui murmure, je ne suis rien sans toi. Elle s'endort canine dans mes bras. Dans un délire qui ne se refuse pas. Toute la France est dans mes draps. Je lui susurre quelques sons à moi. Elle rougit, regarde caméra. Retrouve-moi, la tête en vrac, mon cœur revenu de l'enfer. Raconte-moi tous tes plaisirs, comment tu m'aimes te faire rugir. J'invente pour toi toutes les tendances, l'amour du groove de cette France. Y'a que dans tes bras que je me sens roi, que je me sens moi, que je me sens. Je la vis mal toute cette distance. je tourne en rond ton absence. J'ai besoin de toi, besoin de ça, besoin d'un succès populaire. Dans un récipient déjà, toute la France est folle de moi. Je lui murmure, je ne suis rien sans toi. Elle s'endort câline dans mes bras, dans un délire qui ne se refuse pas. Toute la France est dans mes draps. Je lui soussure quelques sons à moi. Elle rougit, regarde caméra. C'est toute la France sur France Bleu, toute l'Auvergne sur un plateau avec Christophe Noiseau, ses invités. C'est l'heure de l'office des offices du tourisme chaque matin. L'office du tourisme délivre un doigt à Forez. Et pourquoi ne pas devenir le temps d'un instant plaisir hors pailleur? C'est l'heure de l'office. Et aujourd'hui, l'Office de tourisme Auvergne-Volcans-Sancy à l'honneur. À quoi s'intéresser cette fois-ci à un métier très ancien, assez prisé en certains endroits, dans certaines régions du globe, mais aussi en Auvergne. Il s'agit de l'orpaillage. Lucas Montel, je rappelle que vous faites partie de l'Office de tourisme Auvergne-Volcans-Sancy. Il y a des animations durant l'été autour de cette pratique de l'orpaillage. Quand on parle d'orpaillage, de quoi parle-t-on exactement ? Eh bien, l'orpaillage, c'est une pratique qui est relativement ancienne chez nous, enfin du moins comme on la pratique ici dans la Durande, donc à Singles, dans cette belle rivière. On est équipé d'une battée, de piochons, de tamis. On va essayer de collecter le plus de sédiments possible qu'on a dans le coude de la rivière, en fait, là où les dépôts de paillettes d'or ou de métaux précieux peuvent être les plus importants. Et puis avec la battée, donc le chapeau chinois, on pourra appeler ça comme ça, un petit peu pointu, on doit faire en sorte de séparer les métaux précieux, donc les plus lourds, de tous les sédiments, donc le sable, la boue, etc., pour faire en sorte de les retrouver tout à la fin de la pratique et à la fin de ce qu'on appelle une battée, en fait. L'or étant plus lourd, forcément, les sédiments sont évacués par l'eau que l'on fait tourner dans la battée et les paillettes d'or, puisque ce sont des paillettes, hein, ne pensez pas y trouver des pépites d'or, les paillettes se retrouvent concentrées au cœur de la battée. Hein. C'est exactement ça. Alors, on en propose quasiment tous les jours de l'été. C'est une activité qui plaît énormément aux familles, puisque y a toujours ce petit challenge de la première personne qui va réussir à trouver la première paillette. Donc, quand c'est les enfants, les adultes, tout de suite, font en sorte de s'appliquer un petit peu plus pour en trouver. Quand c'est les adultes qui en trouvent, les enfants, eux, dans le même principe, se mettent un petit challenge. Donc, c'est une activité qui plaît énormément aux familles. On a les pieds dans l'eau, tout l'équipement est fourni. Et puis, on peut trouver, justement, les paillettes d'or, des petits minéraux qui sont rares, les saphirs, le grenat, les olivines. Donc, en fonction des couleurs, c'est super intéressant aussi. Est-ce qu'à l'instar du poisson, on relâche les paillettes ? Non, c'est ce qui est vraiment sympa en fin d'activité, c'est qu'à la loupe, en fait, à la loupe binoculaire, vous allez pouvoir observer les paillettes d'or, les métaux précieux. Et puis ensuite, forcément, vous avez votre petite fiole qui est fournie et vous repartez avec vos trouvailles. Oui. Alors, bien évidemment, c'est une pratique qui peut avoir des incidences sur le milieu naturel. C'est une pratique qui est extrêmement encadrée, qui est régie par le code minier, d'ailleurs. Complètement. C'est-à-dire que dans le cadre d'une activité comme la nôtre, donc qui est commercialisée, on a toutes les autorisations nécessaires des propriétaires privés, du département, de la DREAL, enfin de la police de l'eau, etc. Mm-hmm. Ce qui nous permet, dans la limite d'une vingtaine de personnes par créneau, et on n'en a pas tous les jours, mais en cœur de saison quasiment, de pratiquer l'orpaillage sur la berge de la rivière La Burande. La Burande qui vaut le détour aussi, on est en plein cœur de l'Artense là. Hein. Exactement, à mi-chemin entre la Tour d'Auvergne, donc le beau village de la Tour d'Auvergne, et celui de Toves. Donc là, on est sur un secteur qui est magnifique par rapport à son patrimoine touristique. Et puis, le gros plus quand même sur cette activité-là, c'est qu'on est en collaboration, en partenariat avec un collectif qui s'appelle Auvergne Attitude, donc d'accompagnateurs en montagne. Donc là, on est avec des professionnels, l'accompagnement, il est vraiment top. Ce qui permet d'élargir l'angle et de ne pas s'intéresser qu'aux paillettes d'or, mais de s'intéresser aussi au milieu dans lequel on évolue. Complètement. Parfait. Vous-même, Lucas, vous êtes lancé dans cette activité pour voir ce que ça donnait ? Eh bien, dès mon arrivée à l'office, je me suis, par curiosité, hein, on a tous voulu essayer. Ouais. Bon, avec plus ou moins de talent, de mon côté, c'était plutôt moyen quand même. C'était plutôt moyen, donc on peut mieux faire. Ouais. Parfait. L'orpaillage en Auvergne à découvrir grâce à l'Office de Tourisme Auvergne-Volcans-Sancy. Toutes les informations sont bien évidemment sur le site internet auvergne-volcans-sancy.com. Merci beaucoup, Lucas. Eh bien, c'est moi et très bel été à tous. Merci, bel été à vous aussi. Au revoir. Bel été, vacances réussies, l'heure de l'office des offices du tourisme France Bleu Pays d'Auvergne. Chaque matin, 9h, 9h30, demain, Christophe Noiseux pousse la porte de l'office du tourisme du Sancy. France Bleu Pays d'Auvergne s'occupe de votre été. On fait connaissance pour cette dernière demi-heure. C'est votre rendez-vous avec les pépites ACMistes. On est avec l'ASM en mouvement aujourd'hui. Boris Orlac, un passionné de trail et souvent en balade sur les terres volcaniques. Vous l'avez peut-être vous-même croisé si vous êtes adepte de la discipline. Et puis Julien Houry, lui, est à vélo. Il continue sa route en direction de la Loire. Fin du périple de cette première semaine. On arrivera aux portes de Montbrison tout à l'heure à suivre en toute fin d'émission. Côté tube, Chilou nous emmène au bord de la mer, préparer crème solaire et serviette. Et puis, juste avant, un bon vieux souvenir des années 80, Big Mountain. Le titre, Baby, I Love You Way. Excellente fin d'après-midi avec nous. Ooh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah. vers le ciel ou plutôt qui s'arrête au plafond de ma chambre. Encore combien de temps, encore combien de larmes pour les faire redescendre. Je me sens bien nulle part entre rêve et tourment, c'est dur de faire semblant. Je dois briser ce qui m'enferme, écouter les appels de mon cœur tremblant. Je partirai bien au bord de la mer, oh, là où le goût n'est plus amer. J'irai bien au bord de la mer, oh, oh, oh, oh. Et dans ses bras j'irai me perdre, oh, oh, oh, oh. Entendre le bruit des vagues étouffer doucement ce silence inquiétant. Les pieds dans le sable, les joues encore salées, caressées par le vent. Dans l'air un doux parfum, c'est bien la première fois que je me sens vivant. L'horizon est immense, donnant plus de chance aux étoiles filantes. Je partirai bien au bord de la mer, là où le goût n'est plus amer. Je partirai bien au bord de la mer, et dans ses bras j'irai me perdre. Je partirai bien au bord de la mer. Je serais bien mieux là-bas. Si pour me plaire je dois me trouver déjà, alors je ferme les yeux et imagine tout ça. Quitte à me perdre, je serais bien mieux là-bas. Si pour me plaire je dois me trouver déjà, alors je ferme les yeux et imagine tout ça. Je partirai bien au bord de la mer, oh, oh, oh, oh. Là où le goût n'est plus amer, oh, oh, oh, oh. Je partirai bien au bord de la mer, oh, oh, oh, oh. Et dans ses bras j'irai me perdre, oh, oh, oh, oh. Je partirai bien au bord de la mer. Chilou qui rêve de partir au bord de la mer. Presse-toi mec, hein, parce que il y a encore plus que quelques semaines avant la fin des vacances. Allez, le défi du chrono dans un instant. Les grands sportifs de l'ASM se confient au micro de Michael Grelat en partenariat avec l'onde porteuse et l'ASM Omnisport. Rendez-vous avec l'ASM en mouvement. Le défi du chrono en pleine nature, je vous en parlais, les baskets couvertes debout, le camel sur le dos. Le trail devient un sport populaire en pleine expansion et si vous vous baladez régulièrement sur les terres volcaniques. Peut-être avez-vous déjà croisé Boris Orlak. Alors, c'est un passionné de course, il avale des kilomètres de sentiers et pour tenir la distance, Boris Orlak puise sa force et son énergie dans celle des autres coureurs. Rencontre avec Boris. On continue d'exploser les chronos. Aujourd'hui, on chausse les baskets de trail. Pour moi, c'est chaque entraînement, c'est une course en fait. Je fais ça à fond. Les mois et les années passent vite et je donne tout au maximum. La piste d'athlétisme dans le viseur, le trailer Boris Orlak nous retrouve d'un pas pressé. On s'est glissé dans son emploi du temps très timé entre un rendez-vous de kiné et une session d'entraînement. Boris Orlak défie naturellement les chronos. Aujourd'hui, il prend le temps de nous dévoiler son univers, le trail. Une course de trail, c'est souvent plus de 17 km, enfin c'est 17-20 km au-dessus. Et en dessous, c'est plutôt des courses en montagne. Et du trail, bah, ça va du 15-20 km à des ultra-trails comme la Diagonale du Fou à La Réunion qui va jusqu'à 180 km. Ancien cycliste, Boris Orlak à la caisse, c'est comme ça qu'il qualifie son acharnement. C'est très rare où j'abandonne une course et c'est un peu ma marque de fabrique de voilà, toujours tout donner. Après, peut-être que des fois j'en fais trop parce que mes entraîneurs ils disent des fois de relâcher les séances. Mais je fais toujours tout à fond, donc j'essaie de me dépasser à chaque séance. Dans sa semaine, le trailer alterne entre des séances sur piste et des sorties plus longues en nature. Boris Orlak puise sa force et son énergie dans celle des autres coureurs. Le trail, qu'est-ce que ça m'a amené par rapport au vélo? C'est beaucoup un sport d'équipe parce que je m'entraîne beaucoup à la Gautière sur les séances pistes et on a un super groupe de copains et on est tout le temps ensemble le mardi soir et le jeudi soir et on surpasse tous ensemble pour progresser et l'effet de groupe, je pense, c'est vraiment l'atout numéro un pour progresser en course à pied. Ouais. C'est de me surpasser, de toujours atteindre des limites plus hautes et de, je pense, de rencontrer des gens. En fait, depuis que je fais de la course à pied, j'ai rencontré énormément de gens. Plein de rencontres, plein de nouvelles amitiés. Puis de signer à l'ASM Clermont Athlée, ça m'a bien lancé dans ma vie, ma deuxième partie de carrière de sportif. Ouais. Lors des courses, Boris Orlak avale les kilomètres. À l'arrivée, il y a la satisfaction de l'accomplissement, mais aussi d'avoir vécu une expérience collective. Déjà, dans un premier temps, d'être content d'avoir franchi la ligne, et puis voilà, d'avoir partagé la course avec les autres concurrents. Quoi. C'est bien émulatoire. On se retrouve tous ensemble, on ne se connaît pas, mais voilà, on peut serrer la main à la fin. C'est ça qui fait qu'on se réengage sur d'autres courses après. Ouais. C'est toujours l'effet de groupe, quoi. Même si on se connaît ou est-ce qu'on se connaît pas, ça permet d'avancer. L'ASM en mouvement est retrouvé tous les jours à cette heure-ci en partenariat avec l'onde porteuse et l'ASM Omnisport. Tous les portraits sous notre application ICI. Et puis demain, Mouna Touré, nouveau portrait d'une nouvelle pépite de l'ASM Omnisport. Vélo, Julien Houry, entre Auvergne-et-Loire, nouveau périple, nouvelle balade, nouvelle découverte. Ce sera juste un freestyle. Come on, Harry, we wanna say goodnight to you. C'était le titre de cette chanson Einstein sur France Bleu Pays d'Auvergne à 18h47. Allez, tous à vélo, comme c'est le cas depuis quelques semaines maintenant, on se balade. Et depuis le début de cette semaine, l'Auvergne, la Loire, deux régions que l'on traverse avec l'inspiration de Julien Houry. Après une nuit dans les roulottes de Palagno, Julien a des envies de divertissement. Il part aujourd'hui sur la route du centre de loisirs des deux barrages. Et avant de nous emmener à la ferme, découvrir les bons fromages de chèvre, c'est au lui ça. Fromage de chèvre de la ferme au Biquet. Miam. En quittant Roanne, passant par Riorges, et en longeant le Renaison, 15 km plus loin, on trouve un endroit absolument majestueux au cœur de la forêt. Situé entre le barrage de la Tâche ou du Châtrain et le barrage du Rouchin, c'est un centre d'activité incroyable qui se trouve là. On va aller découvrir tout cela. Une route douce, agréable, très arborée, avec des petits oiseaux qui chantent autour. C'est un endroit qui est absolument agréable. Et la route finale pour arriver jusqu'à ce centre d'activité est elle aussi particulièrement arborée. On va certainement passer un excellent moment ici. Et au cœur de cet immense site, on retrouve bien sûr des chemins de randonnée pour accéder au barrage, mais aussi une usine de traitement de l'eau pour la transformer en eau potable. Le parc d'activité, lui, est peut-être un peu plus petit, mais tellement sympathique, avec la possibilité de pratiquer le mini-golf, mais aussi et surtout le bowling en extérieur. Ça, c'est original. En tout cas, c'est un site qui est juste au bord de l'eau. Jeter sa boule de bowling et tomber les quilles avec ce petit bruit d'eau à côté, quel bonheur ça doit être. 18 trous divers et variés, mais aussi les traditionnels balançoires, le petit toboggan. Il y a vraiment de quoi s'amuser et passer un bon après-midi autour d'une petite table de pique-nique à l'abri des arbres, si grand et si majestueux au-dessus de nos têtes. Et ce moment au cœur de la nature nous a mis en appétit. Alors on va reprendre la route direction Saint-Laurent-Rochefort, au cœur de la Loire. Nous irons au lieu-dit de Serres découvrir les biquettes du Serton et les délices qu'elles peuvent nous produire. Une diagonale à travers champs. Il y a encore une fois plein de panoramas. Regardez sur votre gauche pour voir l'horizon. Regardez sur votre droite et apercevoir les forêts majestueuses. Et au bout de la route, ce petit atelier, cette petite ferme qui nous semble bien sympathique. Et à l'heure du casse-croûte, Julien, il y a du monde au portillon, hein ? Ouais. Elle se bouscule pour manger les céréales. Encore une fois, on découvre de beaux produits chez vous. Nous, en Auvergne, on est plutôt habitués au lait de vache, au Saint-Nectaire, ces petites choses-là. Mais le chèvre, ça a aussi des vertus très très intéressantes. C'est un lait très particulier. Alors oui, c'est particulier. C'est un lait qui est très peu gras. Nous, on fait des fromages lactiques, donc c'est du fromage vivant, avec du lait cru. On est ouvert aux visites, on peut faire voir nos briquettes, faire voir notre environnement. Merci beaucoup, Julien. Merci. Et quant à nous, on va dormir en race campagne ce soir. Et demain, on prend la direction de la mer. Oui. J'ai bien dit la mer. Allez, je vous mets en appétit sur un pain toasté dans une bonne salade d'été. Les petits chèvres doux vont bien occuper à Julien Horry qui, à demain, nous emmènera à nous rafraîchir du côté de Villeray, mais également Bully. L'amour de Christophe Maé avec Amado et Mariam, joli trio à découvrir dans un instant. Et puis, il y aura incontournable slow 1976. Qui n'a jamais dansé sur Eagles? Hotel California, belle fin d'après-midi avec nous. La vie de tournis, des petits gars qui courent. Ça fait lever des gens l'amour. Ça fait rougir, ça fait mentir, ça fait du bien tout court. Ça fait pleurer des gens l'amour. Ça fait sourire, ça fait gémir, ça fait du bien autour. Ça fait chanter des gens l'amour. Ça fait parler, ça fait le vide autour. Ça fait fumer une cigarette, l'amour. Ouais. Ça fait mincir les silhouettes. Ça fait casser des abat-jour. Ça fait stopper la cigarette, l'amour.